Mon sang, j'ai pas ton temps. Tu me salis, j'suis pas content. J'ai fait des erreurs, j'ai payé le montant. J'ferai tout pour revenir au bon temps. C'était l'été, j'sais plus où j'étais. Enfin j'ai été dans le port, j'ai été. Toujours pas de métaux, j'fais gaffe à l'étage. J'ai arrêté la peu là, j'suis en pétard. Un petit couteau dans le manteau. Au pire c'est une grosse droite dans le menton. Camouflé dans les habits de rando. J'suis pas un voyou, je fais pas le Rambo. J'rôde comme un fantôme avec ma dame. Ça laisse pour le peuple ce qu'on condamne. Toujours présent jusqu'à ce qu'on canne. Tu me critiques par derrière, c'est que tu es mon fan. Plus y'a de certifs, plus y'a de problèmes. Obligé de renier des gens qu'on aime. Quelle tristesse, ouais, c'est la vie qu'on mène. Donc niquer le game, c'est mon domaine. J'suis là, ça fait plus de 10 ans. Et eux, dis-moi où ils sont. Dur dur la vie, soi-disant, on oublie tout en grandissant. Moi j'suis carré, toi tu es bizarre, mais bon c'est pas grave. Allez bon vent, moi j'suis préparé à tous les voir partir quand ça s'aggrave. Mets-moi une cave, une prod, un mic. Et moi tout seul, j'nourris la mif. Jamais je ferai la pute, jamais je te mettrai dans la merde, quoi qu'il arrive. Les épreuves, ça m'endurcit, pour moi c'est qu'un bon dieu, c'est ça la preuve. Combien j'en ai mis sur le haut de la scène, mais ils ont pas de reconnaissance, ouais moi je trouve. Ils m'ont tous vu brave, alors ils m'ont pris pour un cave. Y'en a, ils ont pas réussi à avoir ce qu'ils voulaient de moi, alors maintenant ils bavent. Ma vie c'est gravier, beaucoup de jaloux, j'pourrais tout gâcher. Fusil de charge posé sur l'étagère, y'a beaucoup de haine qui s'est propagée. J'suis dans les radios, j'suis dans les fours, chez les mamans, chez les mamies. Puis un moment, ils demandent comment, ils pas de comment, ils ont pas de personnalité. Mon sang, c'est des gens qui les commandent. Trop de bocaux, j'vais changer de numéro. Le jeune il est fou, il te chasse après la pelle. Ça se fait son trou, sa place dans le ghetto. Ça fait des sommes toute l'année. Y'a trop de bocaux, j'vais changer de numéro. Le jeune il est fou, il te chasse après l'apéro. Ça se fait son trou, sa place dans le ghetto. Ça fait des sommes toute l'année. J'ai pas pris la grosse tête, c'est pas pour moi, ça c'est pour eux. Et ça se pourrait que ça soit à cause d'un fils de but. Si je mourrais, si je voulais. Leur rêve c'est d'être au sommet. Moi mon rêve c'est de vivre normal, de faire mes courses, de marcher dans la rue sans qu'on me dise c'est tout, je le reconnais, je le reconnais. Alors fils, tu veux leur vice, ils me font les gentils, ça c'est pour leur bise. Je veux pas me montrer, un jour tu comprendras, donc va leur dire que je m'en fous de leur mise. Nique sa mère la Roro, la Audemars, le Lambeau, la Ferrari. Tant que moi j'ai ma baraque, l'amour de ma famille, je reste vrai comme Moubarak. J'vais finir au paradis, je suis gentil, t'as plus qu'au bar ça dit. T'aurais de platine, pas de Versace, pour des sous tu le sais, on passe à la guerre, ça tire. Rouge, blanc, bleu, tu m'as fait du bien, je suis un fou si un jour je t'en veux. Ou alors c'est que d'un coup tu as changé, que tu as dit mes faiblesses à un étranger. Toi c'est pas l'enjeu. Faut ramener les sous à la zone comme des hommes. J'en connais, ils veulent faire des dingueries, mais moi je les raisonne. Toute la nuit, toute la nuit, j'y vais ramper toute la ville. Si un jour je meurs, ouais, ben c'est la vie. T'es paix à vie, donne pas la force si t'as une idée derrière. Respecte ta femme si c'est une guerrière. Ça m'a dit viens, y'a soirée studio, j'ai pris le T-Mac, j'suis parti vers arrière. J'ai le cardio, comme ça tu m'annais. Arrête de prendre la confiance, Mino, ça y est. J'compte plus les potes qui m'ont pris au palais. Allumez la flamme au J.O. Valais. Y'a trop de bocaux, j'vais changer de numéro. Le jeune il est fou, il te chasse après la perle. Ça se fait son trou, sa place dans le ghetto. Ça fait des sommes toute l'année. Y'a trop de bocaux, j'vais changer de numéro. Le jeune il est fou, il te chasse après la perle. Ça se fait son trou, sa place dans le ghetto.